Voilà, 7h04, vous écoutez CHUFM, mon nom est Jean-Marie, je suis content d'être avec vous ce matin. C'est l'émission Afrique Plus qui commence. Bonjour Bruno. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Afrique Plus. Voilà, alors l'émission de samedi le 28 juin 2008. Oui, c'est ça, 2008, oui. Je pensais que nous étions en 2009. Ou peut-être 2007. Ou en 2007 ou 2056, je ne sais pas. Mais écoutez, Henri Ier, est-ce que Henri Ier, roi d'Haïti, ça vous dit quelque chose? Henri Christophe, c'est dans les années 1767, cap-haïtien par exemple. Et le président et roi d'Haïti, Henri Christophe, sa titulature, comme on disait, est Henri par la grâce de Dieu. Et la loi constitutionnelle de l'État roi d'Haïti, souverain des îles de la Tortue, Gonâve et autres îles adjacentes, destructeur de la tyrannie, régénérateur et bienfaiteur de la nation haïtienne, créateur de ses institutions morales, politiques et guerrières, premier monarque couronné du Nouveau Monde, défenseur de la foi fondateur de l'ordre royal et militaire de Saint-Henri. Malgré ses efforts à promouvoir l'éducation et à codifier les lois, le code Henri. Henri est un monarque peu populaire. D'ailleurs, son royaume est constamment en conflit avec le sud républicain. Il bâtit le palais de Sanssouci vers la fin de son règne. L'opinion publique tourne décisivement contre lui à cause du caporalisme agraire qu'il promeut afin de développer l'économie de l'île. Attaqué par les insurgés, Henri se suicida en 1820 en se tirant une balle en argent dans le cœur pendant une messe dans une église qu'il avait fait bâtir. Il fut inhumé dans la citadelle La Ferrière. Son fils adolescent fut pendu par les insurgés. Sa femme et ses enfants s'exilèrent en Italie. Aimé Césaire fit de lui le héros d'une pièce de théâtre, La tragédie du roi Christophe, en 1963. Voilà l'introduction, mesdames et messieurs, de notre émission de ce samedi 28 juin 2008. Vous voyez le parallèle. Nous allons parler du Zimbabwe. Voilà. Restez là, mesdames et messieurs. On introduit notre émission de cette façon-là. Comme vous l'avez bien demandé, à la demande spéciale, on vous la rejoue, cette chanson-là. Vous l'aimez bien, mais c'est en exclusivité. Et là, on va l'écouter en intégralité. C'est Madame Rokia Traoré. Voilà. Bane telebefo, litsa dia teleko. Ben telebefo, bella dia teleko. Jambatu, oh jambatu, jambito bilaka, sinila kodu. Jiribanda tele Alors, 7h12, vous écoutez Afrique Plus. Nous, on vous rappelle que nous sommes en direct depuis le cœur de l'Université d'Ottawa. Nous aurons une deuxième partie de notre émission à 7h30. Monsieur Zach Ilboudou, qui est le directeur fondateur de l'Institut des langues modernes, Institute of Modern Language, qui est une institution ici, l'Institut des langues modernes, qui est une institution qui est ici, basée ici à Ottawa. Donc, on vous rappelle que l'Afrique, ce matin, 28 juin, va se passer ici à Ottawa. Tout sera ici et ça se terminera ici. Alors, avec ce générique, c'est 5 minutes en Afrique. Bruno, c'est à toi. Qu'est-ce qui s'est-il passé cette semaine en Afrique? Donc, la CEMAC change de président. François Bozizé, le centrafricain, remplace Paul Biya dont le mandat s'est achevé le 24 juin. Les enjeux à relever sont nombreux pour le plus jeune. C'est un euphémisme, chers auditeurs. C'est le plus jeune des présidents de la CEMAC. Voilà. Donc, dans le messager du Cameroun, donc, on a cette réflexion qui ressort. Le mandat du président Bozizé coïncide avec le 5e anniversaire de sa prise de pouvoir. À la tête de la CEMAC, il devra faire avancer ou s'est arrêté son successeur, à la fois très proche de Bongo Ondimba, qu'il considère comme son parrain, et de Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, Guinée équatoriale, à qui il rend constamment visite. Bozizé, né le 14 octobre 46 à Libreville au Gabon, va-t-il réussir là où Paul Biya a une fois de plus échoué? Union africaine, Jean Ping, le dauphin de notre ami Ondimba du Gabon, déjà au pied du mur au premier sommet de l'Union africaine, parce que pour le Gabonais, c'est un cas délicat qui est déjà là pour être réglé, le Zimbabwe. Entente à la Kenyane, en une post-électorale, Mugabe, sans surprise, sera déclaré vainqueur. Il semble qu'ensuite, Tsvangirai, le pion de l'Occident, serait désigné comme Premier ministre. Reste à voir si tout va se dérouler comme ça, comme d'un gouvernement d'ouverture et de transition. Kadhafi, clairement contre le projet de Sarkozy d'une union pour la Méditerranée, c'est pas une surprise, il l'avait déjà dit dans son dernier discours face à ses collègues il y a à peu près une dizaine de jours. Il laissait planer aucun doute à ce propos. Est-ce que l'émissaire de Sarkozy, qui est cette semaine donc en Libye, va réussir à faire changer la donne? Peu probable. Nelson Mandela, 90 ans, joyeux anniversaire à lui, sans commentaire. Blaise et son gouvernement dirigé par Tertius Zongo dit Testicus, ça c'est dans le journal du jeudi qu'on l'appelle comme ça, vient de faire encore une condamnation des étudiants donc de la faculté de Ouagadougou, qui dénonçait une fois de plus la situation regrettable au pays. 4 condamnations à 6 mois de prison avec sursis et 31 relax. Ça, c'est la face qu'on voit et qu'on sait. Sinon, pour l'heure, les CRS, donc Compagnie Républicaine de Sécurité, un peu comme en France, ces espèces de tortionnaires en tenue qui, lorsque vous manifestez, se font reconnaître facilement parce qu'ils vous agressent. Espoir. Une alliance se prépare entre l'Afrique et l'Amérique du Sud pour parer à la crise alimentaire et à la crise pétrolière. Nouveauté, le Jatropha. Qu'est-ce que c'est, Jean-Marie? Vous savez c'est quoi le Jatropha? Aucune idée, mais j'ai hâte de savoir c'est quoi. Donc, il semblerait que ce soit le biocarburant de l'avenir. La Côte d'Ivoire, grâce à des investissements étrangers, produit en masse cette plante dont l'huile permet en fait de produire du carburant pour les véhicules. Donc, retenez ce nom, Jatropha, ou En fait, si vous voulez, ça s'appelle l'or vert du désert. Sport, éliminatoire Cannes 2010 combiné Coupe du Monde. Plus que quelques matchs pour la première phase. Après, ce sera donc la seconde phase. Note positive pour finir, Yaya Touré a reçu le trophée Sport Ivoire. Yaya Touré, c'est cet Ivoirien qui joue au Barça. Il a été désigné donc meilleur sportif ivoirien. Donc voilà pour les brèves de cette semaine. Jean-Marie, est-ce qu'on continue? Voilà, mot de démocrate, démographie. À la une des quotidiens allemands sont assez partagés, mais certains thèmes sont toutefois récurrents. La Corée du Nord, la démographie allemande et le nouveau visage de Barack Obama. Mais tout ça, on vous demande de rester là pour quelques minutes. On vous revient avec quelques points de la revue de la presse allemande sur l'Afrique. Voilà, campagne, c'est toujours le Zimbabwe qui domine l'actualité africaine dans les journaux allemands. Campagne contre la démocratie, triomphe du dictateur. Les titres qu'inspire le Zimbabwe indiquent que dans la presse allemande, le ton est encore monté d'un cran. Après le maintien du second tour de la présidentielle, malgré la défection de l'opposant Morgan Tsvangirai, la Süddeutsche Zeitung se félicite justement de la décision de Tsvangirai, qui a préféré se retirer d'une insensée campagne électorale menée non par coup d'argument politique, mais par coup de matraque, Bruno. Poursuit le journal, Mugabe se considère comme un chef d'État par la grâce de Dieu, qui lui importe. Lui-même Mugabe que ce qui importe ici-bas, sur terre, il y a les électeurs en fait. Mugabe se bat et triomphe à sa façon. Les protestations de l'étranger n'y changeront rien. Là réside toutes les frustrations, souligne la Süddeutsche Zeitung. Le cauchemar continue, titre la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dans l'immédiat, rien ne changera au Zimbabwe. Mugabe se moque de la misère de son peuple. Le taux d'inflation atteint peut-être maintenant 1 million. Ça, c'est un record. Peut-être même 2 millions. Et personne n'est en mesure de le dire exactement, car les produits nécessaires au calcul de la hausse des prix n'existent plus depuis longtemps. Voilà, en parlant du Zimbabwe. Voilà, toujours en parlant du Zimbabwe, sous sanction européenne depuis 5 ans, auto-exclu du Commonwealth, placé par les Américains sur la liste des chefs d'État, voyou Robert Mugabe, est-il un dictateur exemplaire, un bouc émissaire idéal, un despote caricatural ou la victime d'un complot occidental? Le camarade Bob le doit tout d'abord à son passé de combattant de la liberté particulièrement intransigeant. Élève des jésuites, instituteur à 17 ans, étudiant en Afrique du Sud, enseignant au Ghana. Robert Mugabe est entré en politique en 1960 pour combattre le régime minoritaire et ouvertement raciste de ce qui s'appelait à ce moment Rhodésie. Arrêté en 1964, il restera plus de 10 ans en prison sans jamais accepter de négocier, accumulant au passage, pas moins de 8 diplômes universitaires, alors par correspondance auprès de la London University. Voilà, Mugabe, ce combat, il faut peut-être comprendre une chose, le combat de M. Mugabe, il dit lui-même, notre cause est la cause de toute l'Afrique et de chaque Africain. Et voilà le regard africain aussi de cette crise au Zimbabwe, de cette personnalité assez controversée. Mugabe bénéficie d'un préjugé favorable en Afrique pour une raison précise. Pour la grande majorité des Africains, Zimbabwéens compris, il n'est pas tolérable que les Occidentaux, dont la responsabilité est directement engagée dans la situation actuelle que connaît ce pays, s'arrogue le droit de dicter leurs conditions d'écarter qui leur déplaît et qui n'est pas de leur création, d'imposer les dirigeants de leur choix. C'est pour cela qu'ils continuent la rage au cœur de le défendre. Mais si Mugabe persistait dans son intention de s'accrocher au pouvoir, une ligne rouge pourrait peut-être être franchie et l'image du libérateur s'effacerait définitivement au profit de celle du despote. Alors, on aura une deuxième partie à 7h30. Monsieur Zaki Ilboudou, qui viendra nous parler déjà de son école, l'école de la langue, ici à Ottawa. Et ensuite, on fera un rapprochement avec la tragédie du roi Christophe, un livre qui a été écrit en 1963 par Aimé Césaire. Mais pour le moment, mesdames et messieurs, on vous demande de rester là. Every man got the right to decide his own destiny, and in this judgment there is no partiality. So arm in arms with arms, we'll fight this little struggle, 'cause that's the only way we can overcome a little trouble. Je viens de changer mon assurance maison, voiture et vie. J'ai choisi les coopérateurs comme assureurs et ils m'ont offert un rabais incroyable. À qui avez-vous parlé? Mon agent coopérateur, Edouard Ilunga, 7131 rue Strandheart, suite 202. Je devrais les appeler. Comment est-ce que je peux les rejoindre? Par téléphone au 613 425-1322. Tu seras content d'avoir appelé. Les coopérateurs, une place de choix. Voilà, il est 7h26, vous écoutez Afrique Plus. Nous sommes en direct depuis le cœur de l'Université d'Ottawa. Il faut comprendre une chose, la tragédie du roi Christophe est une pièce de théâtre d'Aimé Césaire, publiée en 1963 et créée le 4 août 1964. Cette pièce met en scène le destin tragique d'un homme et d'un pays. Elle décrit la lutte du peuple haïtien pour la liberté, mais aussi le combat mené par un homme politique qui voulait renouveler la grandeur de son pays. L'histoire débute avec, après la révolution haïtienne, une fois l'indépendance conquise et le règne de Jean-Jacques Dessalines achevé, Henri Christophe est nommé président de la République par le Sénat. Il refusa ce titre, fondera un royaume au nord dont il sera le roi, mais manquant de mesures, il a poussé le peuple vers des conditions de travail extrêmes et cruelles, les conduisant à la révolte. Le roi Christophe s'est mené lui-même à la mort. Cette pièce donne à voir la reconstruction et la quête de reconnaissance d'un pays stigmatisé par son passé colonial. La tragédie du roi Christophe est une pièce d'Aimé Césaire créée au théâtre de l'Odéon à Paris en mai 1965. Elle raconte la tragédie de l'épopée de Christophe, un esclave cuisinier de son état qui prit une part imminente à la lutte de la libération d'Haïti, devenant général puis s'autoproclamant roi, un peu comme Bokassa, avant de devenir un dictateur sanguinaire. Ni héros, ni saint, ni usurpateur, c'était un homme doué d'une immense bonne volonté qui essayait désespérément de trouver sa voie. Cherchant à émuler la grandeur de la France, il s'entoura tout d'abord d'une cour grandiose, parfaite, réplique en noir de ce que la vieille Europe a fait de mieux en matière de cour. Parce que la forme, mon cher, c'est ça la civilisation. Pendant quelque temps, il fut un chef très populaire, contrairement à son rival, cette couille molle de Pétion qui a proposé de verser une indemnité aux anciens colons. Lui, un noir, pour les avoir imprudemment frustrés du privilège de posséder des noirs. Mais Christophe, l'ancien esclave, comprend rapidement qu'il ne suffit pas de s'entourer d'une cour pour effacer la tragédie du peuple haïtien, déraciné, humilié par la colonisation, ravalé collectivement au rang de la bête, il observe avec amertume, voilà, jadis, en nous volant nos noms, d'estampilles humiliantes, on oblitéra nos noms de vérité. Et sentez-vous la douleur d'un homme ou d'une femme de ne savoir pas de quel nom il s'appelle, à quoi son nom l'appelle? Voilà, il est 7h29 à notre monde. On vous rappelle que nous sommes au cœur de l'Université d'Ottawa. Le temps dehors, laissez-moi voir. Le temps à l'extérieur, à Ottawa, il est 19 degrés Celsius. Et voilà. Et on passe une pause et nous serons avec M. Zach Ilboudou qui est avec nous ici en studio. Voilà, mesdames et messieurs. Mr. Cater, talk to the people. Alors qu'on m'a balayé à votre colon, tiens d'autant, tiens belle encore. Colombe, tiens d'autant, tiens belle encore. La vie, comment t'es d'Ajani? La vie, comment t'es d'Ajani? Bouye, bouye, bouye, il m'a bouye. Comment t'es d'Ajani? Tiens, les gens n'ont qu'à bien avant. J'aime n'a qu'à faire mi bon maman. Hey, t'as qui bouye? Voilà, il est 7h32. Vous écoutez Afrique Plus. Nous sommes au cœur de l'Université d'Ottawa. Nous sommes avec monsieur Zach Ilboudou, qui est le directeur de l'Institut des langues modernes, un institut qui est ici à Ottawa, qui est situé à la rue Albert. On dit bonjour et bienvenue à l'émission africaine à monsieur Zach Ilboudou. Je dois vous demander de vous rapprocher de votre micro. Encore. Moi, je ne vous attends pas. Oui. Bienvenue à l'émission africaine. Ah, je ne vous entends pas. Voilà, attendez. Est-ce que vous pouvez mettre celui-là? Oui. Oui. Voilà. Voilà. Alors, allez-y. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est bon. Celui-là, c'est parfait. D'accord. Alors, écoutez, vous êtes le directeur de l'école... l'Institut des langues modernes. Parlez-nous voir, en fait, d'entrée de jeu, c'est quoi l'Institut des langues modernes? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité devant vos micros. J'en profite pour vous parler très brièvement de l'Institut des langues modernes. Ben, c'est une école où nous formons des agents de gouvernement fédéral en français et en anglais. Mm-hmm. Nous sommes donc situés sur la rue Albert, oui. 340 Albert précisément, au 13e étage et à la place de la Constitution. Mm-hmm. au cœur de cette ville, quoi. Donc vous avez dit que vous occupez des fonctionnaires dans le gouvernement fédéral, que ce soit en français, vous les servez en deux langues? C'est exact. Nous formons des agents de gouvernement, oui. Dans les deux langues officielles, quoi. Mm-hmm. En français et en anglais. Et nos clients principaux sont vraiment ces agents-là. Mm-hmm. En dehors de ça, bien sûr qu'il y a eu nous avons eu par le passé des individus qui sont venus nous voir pour se former en anglais, qui ne sont pas nécessairement du gouvernement, quoi. Mm-hmm. Alors donc, ce sera trop d'ici. En fait, je peux dire que la majorité de nos étudiants sont du gouvernement, mm-hmm. mais aussi nous formons des gens du privé, quoi. Mm-hmm. Oui. Donc, vous savez que vous avez des enseignants qui sont spécialisés, qui ont une formation et qui donnent la formation à ces fonctionnaires ou des gens privés qui veulent avoir une connaissance en français ou en anglais de la langue. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, bon, d'abord, moi-même, je suis professeur à l'université. Mm-hmm. J'ai une formation pédagogique. Mm-hmm. J'ai des enseignants, n'est-ce pas, qui ont cette formation-là. Mais il faut dire aussi qu'il y a, d'autres, n'est-ce pas, qui ne sont pas formés, qui n'ont pas la formation pédagogique, mm-hmm. mais qui, eux, ont une formation dans d'autres domaines. Mais quand même, je les engage, mm-hmm. Pour qu'ils dispensent ces cours-là pour pour nos clients, quoi. Mmh. Dites-nous, comment était le début, la création de votre école? Comment vous avez senti qu'il y avait ce besoin, le besoin se faisait sentir d'établir une école comme la vôtre? Bah, il faut dire que nous, les Africains ici, nous avons une immense potentialité. Disons qu'on ne cherche pas à développer, quoi. À un moment donné, je me suis rendu compte que, bon, étant professeur à l'université, et tout en ayant cette formation-là, bon, j'ai décidé donc, n'est-ce pas, de créer l'école, parce que si vous regardez un peu partout ici à Ottawa, il y a nos frères du Maghreb, n'est-ce pas, qui ont des écoles, il y a tout, quoi, sauf nous. Alors donc, moi, je me suis dit que bon, pourquoi ne pas créer une école, moi je suis africain, géré par les Africains, comme ça nous aussi nous allons avoir quelque chose qui est à nous. Alors sinon, bon, bien sûr qu'il y a toujours le besoin, n'est-ce pas, de former les agents de gouvernement, quoi. Voilà, donc nous sommes, on vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'il est 7h37 en notre moment. Nous sommes en communication, nous sommes en train de parler avec M. Zach Ilboudou, et qui est le directeur de l'Institut des langues modernes ici, une institution qui est ici à Ottawa. Donc, si vous permettez, monsieur, on passe juste une annonce, parce qu'on a besoin, c'est impératif chez nous. Alors, c'est tout à fait normal, oui. Et on revient tout de suite pour la continuité de l'entrevue. Et c'est bien, merci. Ce samedi, à partir de 16h sur CHUFM 89,1, fréquence entière. Ah là, ça va tuer. Une aventure musicale qui vous emmène au cœur de la poésie antillaise. C'est un rendez-vous. Voilà, bienvenue. Il est 7h38 à notre montre. Mais voilà, monsieur Zach Ilboudou, nous sommes toujours avec vous, et nous allons parler, rentrer dans le vif du sujet, mais on reviendra entre les deux, entre votre école de langue et le sujet d'actualité. Mais nous allons tirer beaucoup de parallèles, quoi. Tout à fait. Et on adore les parallèles à l'Afrique. Tout à fait. Alors, la première question, le premier point, définissez-nous un peu, pour le besoin de nos auditeurs, le contexte socio-politico-historique de l'œuvre et de l'époque de l'œuvre du roi, la tragédie du roi Christophe, un peu. Pour ceux et celles qui ne comprennent pas et qui ne voient pas exactement de quoi on parle, essayer de nous brosser un peu un portrait de cette œuvre-là et de la remettre dans le contexte parallèle, le contexte actuel de la situation par rapport au Zimbabwe, en fait. Ah, ben, c'est très bien, je te remercie. C'est-à-dire que le roi Christophe fut bien avant, bon, de nos jours. C'est très dommage que... on n'entend pas parler beaucoup de lui, bien avant tous les grands leaders que nous connaissons aujourd'hui, disons les Lumumba, les Nkrumah, tous les grands leaders, Martin Luther King et autres. Il y a eu, bien avant eux tous, le roi Christophe, qui, en plein esclavage, avait des blancs qui travaillaient pour lui. Bon, effectivement... sa fin est un peu tragique, comme tous ces leaders-là. Si on sait déjà comment Lumumba est terminé, tous les autres grands leaders, alors c'était une tragédie. Mais je dois dire que c'était un très bon leader, c'était un très grand révolutionnaire, c'était un très grand indépendantiste, n'est-ce pas, de 18e siècle, n'est-ce pas, qui s'est levé contre les Blancs, n'est-ce pas, qui a amené son peuple à l'indépendance. Mais je dois dire que c'était un leader vraiment très, très difficile, et sanguinaire d'ailleurs, et comme dans le cas de Zimbabwe, quoi. Mais il faut dire que tous ces leaders-là avaient toujours quelque chose de bon pour leur peuple, mais vous savez, tout excès nuit, quoi. Voilà, et quand je préparais cette interview et je lisais par rapport à, au roi Christophe et par rapport à cette œuvre de Césaire. C'est exact. Et il y a beaucoup de rapprochements par rapport à Robert Mugabe, peut-être aujourd'hui, parce qu'on parle de lui, c'est la, le fait d'actualité, mais avec d'autres leaders aussi qui sont passés, soit dans les pays du tiers-monde, je dirais, j'utilisais l'expression, les pays africains en particulier. Tout à fait. Bokassa, oui. Et certains leaders à une certaine mesure, Sékou Touré, et qui se sont isolés de leur pouvoir, qui se sont isolés du peuple, qui ont pris des décisions. Mais en pensant dans leur tête que les décisions étaient des décisions bonnes pour leur peuple. Oui. Y a-t-il un rapprochement entre cette Haïti du roi Christophe et il faudra faire le parallèle entre l'Haïti d'aujourd'hui ou alors les situations. Quand on parle d'Haïti, c'est un peu une image. Mais Haïti pour nous, c'est l'Afrique. L'Afrique pour nous, c'est Haïti. Donc il faut déjà le dire dans tes deux jeux. C'est ça, c'est ça. Oui, effectivement, on peut tirer un certain parallèle parce que avec le roi Christophe et Mugabe, parce que le roi Christophe, c'était un très grand leader, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Mm-hmm. Et en fait, il a fait travailler son peuple, tout comme Mugabe. Hein. Il a fait travailler son peuple durement et pour leur propre bien. Et maintenant, à la fin, il s'est beaucoup écarté, n'est-ce pas, de ce peuple-là. Et puis il menait, n'est-ce pas, une vie complètement différente de son peuple. Mais ce qui est bon à souligner, ma foi, et le fait que tout comme Mugabe, par exemple, maintenant Mugabe c'est le sorcier le plus chassé au monde, hein. Il est personnel non grata. Oui, le personnel non grata partout. En Europe et en Amérique. Oui, c'est ça. Et c'était le cas de Christophe aussi. Mais ce qui est important est que. Et le début de, n'est-ce pas, de ces leaders-là, hein. Parce que Christophe, après avoir eu l'indépendance, était un très bon leader, n'est-ce pas, qui voulait inculquer, n'est-ce pas, la discipline, n'est-ce pas, en son peuple, tout comme Mugabe. Mm-hmm. Mais à la fin, c'était devenu une tragédie. Mm-hmm. Ouais. Alors si vous permettez, on prend juste une courte pause musicale, on fait un petit tour, on va au Nigeria, on écoute Tony Allen et qui le titre de la chanson c'est Stop Fighting. Donc l'occasion de faire une petite pause et on revient avec la continuité de l'interview avec les points suivants, la situation d'Haïti aujourd'hui et le parallèle toujours avec le Zimbabwe. Et on vous rappelle que nous sommes en direct, donc l'émission est là. Donc le numéro de téléphone, c'est le 613-562-5967. We don't want to fight here once no more. We don't want to fight here once no more. We don't want to fight here once no more. We don't want to fight here once no more. We don't want to fight here once no more. We don't want to fight here once no more. Check it out. the world leaders, get yourself together, man. Stop all those fights around the world. Political, religious. Voilà, bienvenue, vous écoutez Afrique Plus, il est 7h46 à notre monde. Le roi Christophe, dans sa quête de réhabilitation de sa race vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis du monde entier, a-t-il trop demandé à son peuple? Il s'en défend. Je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres, monsieur. C'est comme ça qu'il disait le roi Christophe. Un commentaire. Oui, c'est-à-dire que j'ai... C'était un commentaire que j'ai beaucoup aimé lorsque j'étudiais le roi Christophe. C'est-à-dire que le peuple haïtien était esclave. Il travaillait comme des cochons pour les blancs. Et le roi Christophe, les gens ont souvent accusé le roi Christophe d'être dur avec son peuple. Et c'est vrai, pour l'Africain, il faut être dur. Hein, parce que ils travaillaient, quand ils ont eu l'indépendance, lorsqu'ils travaillaient pour les blancs, ils travaillaient dur. Hein, ils travaillaient dur, sans rien. Maintenant, ils ont eu l'indépendance. Alors donc, le roi Christophe, n'est-ce pas, poussait son peuple, n'est-ce pas, à travailler dur pour leur propre émancipation. Mmh. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, de parallèles qu'on puisse tirer, quoi. Mmh. Moi, je vis ça ici, même à Ottawa. Et même partout, si par exemple vous avez des Noirs qui travaillent ailleurs, quand ils viennent chez un autre Noir, qui est le directeur comme moi, comme étant le directeur de cette école, on voit que, n'est-ce pas, le rendement change. Alors donc, on se pose la question, mais pourquoi? Lorsque vous travaillez pour les Blancs, hein, dans d'autres écoles de langue, par exemple, hein, vous travaillez bien. Mais maintenant, ici, vous êtes venu, moi, je suis votre frère, j'attendais, n'est-ce pas, le maximum. Le même rendement, par exemple. Mais c'est ça, le même rendement, par exemple. Alors donc, Christophe, lui, ce qu'il faisait, c'est pour ça que les gens l'accusent. Et je peux comprendre, hein. Je peux comprendre que, bon, les gens l'accusaient de pousser trop son peuple, demander trop de son peuple. Mais c'était pour leur donner cette discipline, n'est-ce pas, d'estime de soi. Mm-hmm. Hein. Il n'y a pas lieu de travailler pour quelqu'un et pour vous-même. C'est une autre question. Alors, j'ai une question pour vous, que Bruno va vous la poser. N'aurait-il pas fallu justement faire comprendre à ce peuple que travailler, c'était dans son intérêt? C'est peut-être dans la méthode qu'il y a eu un problème pour qu'il y ait une telle dérive. Parce que même aujourd'hui au Zimbabwe, c'est dans la méthode qu'il y a un problème avec la façon dont Mugabe a redistribué les terres. Si, fondamentalement, cela avait été organisé différemment et effectivement redistribué aux paysans nécessiteux qui en avaient besoin, mmh. Aujourd'hui, le Zimbabwe qui était le grenier de l'Afrique, ouais, tout à fait, oui, ne serait plus dans la situation où il est actuellement. Donc c'est toujours dans la méthode qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est peut-être un grand leader devient le lendemain un tyran, mm-hmm. un dictateur sanguinaire. Donc je voudrais avoir votre réaction sur ça. Enfin, disons dans le cas de Zimbabwe, enfin disons de l'approche, je suis bien d'accord avec toi, mais c'est-à-dire que la question, le cas de Zimbabwe c'est un peu particulier. Mm-hmm. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que le Zimbabwe, n'est-ce pas, tire d'autant tant d'attention, n'est-ce pas, du monde entier. Alors, dites-nous. Voilà, c'est-à-dire que moi, je dis que La première question est où sont passés, n'est-ce pas, les accords de Lancaster? Hein? Ce sont les accords qui ont été signés en 79-80. C'est exact. Bon, si on dit que c'est Mugabe, si c'est une fraude électorale, ma foi, il y en a eu en Afrique. Qui n'a pas vu ce qui s'est passé au Togo récemment lorsque les élections ont eu là-bas, ont eu lieu là-bas? Qui est-ce qui n'a pas vu ce qui s'est passé au Nigeria récemment lorsque les élections ont eu là-bas, ont eu lieu là-bas? Donc c'était la fraude massive. Hier encore au Kenya. Au Kenya c'était un peu différent, mais on voyait fili, n'est-ce pas, les militaires, n'est-ce pas, en train de saisir les urnes et puis partir. C'était la même chose. Au Nigeria, on n'en parle pas. Mais alors donc, si c'est la fraude électorale, comment se fait-il qu'on ne parle pas du Togo? Comment se fait-il qu'on ne parle pas du Nigeria et d'autres pays en Afrique? Alors, dites-nous la particularité du Zimbabwe. Pourquoi le Zimbabwe est la tache d'huile? Et moi, j'ai dit que le crime de Mugabe et que il a eu le courage, n'est-ce pas, de chasser les blancs. Et effectivement, comme tu viens de le dire, peut-être que la méthode n'était pas la bonne, mais ma foi, il n'y a pas lieu que Mugabe soit, n'est-ce pas, le personnage non grata partout, parce que comme je disais tout à l'heure, si c'est la longévité au pouvoir, et ma foi, il y a d'autres léons, hein. Il y a Omar Bongo qui a 40 ans, il y a Paul Biya du Cameroun, le président et tunisien, ils sont nombreux, parlons même de l'Afrique australe là-bas en Angola, hein. Il est là. Dos Santos, je veux dire. Oui. Alors donc, où est le problème? Alors, c'est parce que tous les crimes, tous les reproches qu'on fait à Mugabe, il y a d'autres, n'est-ce pas, qui ont commis des crimes pires que ça. Alors donc, moi, j'ai dit que c'est parce que il a eu le courage, n'est-ce pas, de chasser les blancs, et c'est parce que les Britanniques l'ont causé. Et lui-même, il dit, Mugabe dit que notre cause, dit-il souvent, est la cause de toute l'Afrique. Et de chaque Africain. Mais c'est ça, c'est exact. Parce que remarque ce qui s'est passé, l'apartheid, la colonisation et autres. Lui, j'ai dit que Mugabe, c'est le Nkrumah de nos jours, hein, parce qu'il est en train de mener, n'est-ce pas, la même guerre qui ont été amenées par les autres grands leaders comme Lumumba, comme Nkrumah, dites-nous voir. Dans la tragédie du roi Christophe, on remarque que le roi s'isole, ce qui crée un fossé entre lui et son peuple, entre son message et ceux à qui il voulait l'adresser. Pouvons-nous faire un parallèle entre cette situation dans l'œuvre de Césaire et les situations des leaders comme Aristide en Haïti, Sékou Touré, Bokassa, Robert Mugabe et les autres? C'est surtout que c'est plus vers cela qu'on... Oui. Devrait comparer Mugabe et voilà. Surtout pas le comparer à Nkrumah, Sankara ou Lumumba, mais plus vers Sékou Touré et effectivement donc Bokassa et autres, parce qu'il y a dérive fondamentalement, tandis que chez Lumumba, chez Kwame Nkrumah et chez Sankara, il n'y a pas eu cette dérive. Il faut quand même faire une grande distinction, c'est important. Absolument, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y a deux phases. C'est-à-dire que le message, n'est-ce pas, de Nkrumah, c'était, n'est-ce pas, de mener la lutte, n'est-ce pas, aux colonialistes. Et c'est ça que Mugabe est en train de faire. Mais sans doute, il y a eu ces dérives. Mais bon, donc, quand tu parles du roi Christophe à la fin, bien sûr qu'il s'est isolé un peu de son peuple. C'est-à-dire que tout ce que l'homme fait vit après lui, n'est-ce pas? Alors donc, moi je pense que à la fin, il a eu peur. C'est pour ça d'ailleurs même qu'il a eu, n'est-ce pas, la révolte, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il est, il est mort. Ce qui pourrait arriver peut-être avec Mugabe. J'ai craint fort que oui. J'ai craint fort que oui. Et selon vous, le roi Christophe a-t-il trop demandé à son peuple? Je dirais que oui. Ou parallèlement, Mugabe demande trop. Est-ce qu'il demande trop maintenant à son peuple plus d'un million c'est de exact, le taux de d'inflation. Le taux d'inflation, c'est jamais vu quand même. Le système monétaire complètement détruit. Oui, il en demande trop, mais avec une cause. C'est-à-dire qu'il a il a cette détermination, hein, détermination, n'est-ce pas, de mettre de tirer jusqu'à la fin, n'est-ce pas, son objectif, mm-hmm. de montrer aux Britanniques que c'est pas lui, Mugabe, n'est-ce pas, le fautif, mais eux, hein, les Britanniques, n'est-ce pas, qui n'ont pas tenu leur parole. Mm-hmm. Oui. Alors, on écoute juste un petit extrait et on revient pour la conclusion. Là. Ça ressemble le sifflet, je vous vois bouger sur votre chaise, ça me fait plaisir. Écoutez, donc, pour terminer, donc, ma dernière question serait je parlerai beaucoup plus, je ferai l'autre parallèle, je reviendrai maintenant, comme j'ai commencé, avec votre école. Mm-hmm. Alors, comment est-ce qu'on peut vous encourager? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour votre école, surtout nous avec notre radio? Donc, qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui vous écoutent par rapport à s'ils veulent apprendre le français ou l'anglais ou avoir des connaissances? Oh, en fait, disons, tout ce que j'aimerais dire, et d'ailleurs, je vous remercie pour cette invitation devant vos micros. Tout ce que j'aimerais dire à nos frères africains est que de venir s'inscrire, ceux qui travaillent pour le gouvernement surtout, parce que, bon, ben, l'Africain, si on voit un Africain ici, soit il est francophone ou bien il est anglophone, hein? Il n'y a pas un vrai Africain en tant que tel, hein? Il faut s'exprimer soit en français ou en anglais. Alors donc, si vous travaillez pour le gouvernement et vous devez apprendre le français, ben, venez simplement me voir, il faut simplement m'appeler, puis bon, on pourra s'organiser pour que vous appreniez l'anglais, quoi, ou le français. Voilà, monsieur Zach Il Boudou, directeur de l'Institut de langue moderne, qui est un institut qui est ici à Ottawa. Je ne sais pas, Bruno, est-ce que tu as le mot de la fin pour lui ou sinon? Le mot de la fin sera peut-être sur le Zimbabwe. Oui. Donc, le Zimbabwe, comme on vient de le voir une fois de plus, c'est le cas Robert Mugabe. C'est très conflictuel et très passionnel comme débat. Donc, je vous invite tous à essayer de vous renseigner au maximum et de vous construire votre propre opinion. Allez sur les sites d'information alternatifs sur l'Afrique. Un peu partout sur le net, vous allez trouver facilement. Bon courage à vous et passez une très belle semaine. On vous retrouve la semaine prochaine. Jean-Marie, à toi. Voilà, il est 19 degrés Celsius à l'extérieur. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Monsieur Zaki Il Boudou, c'est l'Afrique toute entière à Ottawa qui vous remercie de votre sympathie d'être passé nous voir à notre émission africaine qui est la vôtre. Mon plaisir. L'Afrique vous dit merci. Merci. Au revoir. Au revoir.